Comment tu vas ma jolie? Pas trop de bleu aujourd'hui. Ton homme là tu viens servi. Là tu torches jusqu'au vice. Paraît que maintenant tu as le droit de choisir l'homme de ta vie. Mais tu n'échapperas pas à cette putain de polygamie. Moi je vois bien que dans ton pays ces lois avancent à pas de fourmis. Concernant ton égalité avec monsieur sa majesté, t'essaierais bien de te révolter, cracher sur le voile ta colère. Ton ami récemment lapidé, tu préféreras te taire. Éviter l'excision et montrer enfin ta beauté.